Zeggen we nu de Silo Hind en Brezonnik? C'est l'heure de retrouver Hind en Brezonnik. Vous êtes bien sur RKB pour Hentar Brezonek avec Anne et Henri. Comme d'habitude, on commence par Gariou Arvué, l'émission 445, Perram Pemp à Daouigen. De quel mot tu vas nous parler aujourd'hui, Henri? Alors aujourd'hui, on va parler d'un mot qui est en même temps une racine et qui est d'origine celtique, qui est Tiz, T-I-Z-H. Alors Tiz, c'est un mot masculin, parfois féminin d'ailleurs, dans certains cas, et qu'on retrouve en gallois, en cornique et même en gaélique. Alors il a deux sens, en fait c'est le même sens mais un peu modifié, des sens, c'est d'une part la vitesse et d'autre part l'atteinte de quelque chose. Alors on va parler un petit peu de la vitesse d'abord. Tease, hein, la vitesse, hein, par exemple, le TTB c'est le train Tease-Bras, hein. Le TGV quoi, hein. Voilà, tease. Alors donc dans la vitesse dans tous les sens, hein. Donc on va employer ça par exemple, on va dire monte grande tease, aller rapidement, même encore plus vite, monte tease à tease, hein. Voilà. Donc très très vite. On l'emploie par exemple pour la vitesse du courant aussi en mer, tease-mour. Et là ça a tendance à devenir féminin, un tease-vour. Donc dans le vocabulaire maritime, voilà. Donc c'est aussi la vitesse dans le sens d'une vitesse sur une voiture ou sur un tracteur par exemple, hein. Change tease, hein, changer de vitesse. Tramenen tease, passer la vitesse, voilà. Alors donc oui, j'ai, dans le sens de vitesse, hein, tease warne, hein, la vitesse avec eux, hein, donc rapidement. Il y a aussi l'expression « eudise », hein, qui veut dire « rapidement » aussi. Hein. Voilà. Alors, il y a aussi un adverbe qui est au départ « tismat », pour dire « rapidement »,« prestement », et qui s'est contracté plutôt en « timat ».« Timat »,« rapidement ». C'est un adverbe assez rare. Hein. La première fois que j'avais trouvé ça, c'était dans le cantique de Saint-Gilda, qui est chanté à Trémargat, à Carnoët, à Laniscate, hein. Et donc, on disait, « Adiregant un dioulou, un or grial spontus, deretimadirac, un dinkin galoudus. » Il s'agit de Saint-Gilda qui a débarqué en Bretagne, et devant lui, les diables, en criant d'une façon terrible, se sauver rapidement, Timoth, devant un homme aussi puissant. Il faut croire qu'à l'époque, en Bretagne, il y avait des diables à tous les coins de rue. Voilà. Et j'avais jamais vu cet adverbe-là, hein. Timoth, on l'entend pas souvent, et pourtant, il pourrait être pratique dans la langue, hein, Timoth. C'est Tismoth au départ, quoi. Voilà. Alors, le mot tease, donc j'ai dit que comme souvent en breton c'est une racine en même temps, qu'on retrouve dans le verbe, alors qu'il y a plusieurs formes, plusieurs terminaisons possibles, teasant, teasing et teasout, qui est atteindre, rattraper, rejoindre, hein. Donc le participe passé c'est tease, là. Par exemple teasout d'Orpal, c'est atteindre l'objectif, hein. Très employé aujourd'hui, hein, dans le breton d'aujourd'hui et dans la société. On a toujours un objectif à atteindre. Tout est défini par objectif maintenant, la pédagogie par objectif, les résultats d'une entreprise. Autrefois, les gens n'avaient pas d'objectif. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient et ils allaient où ils pouvaient, quoi. Aujourd'hui, c'est toujours pareil, mais on se fixe des objectifs. Alors, tease ou d'Orpal, atteindre l'objectif. Voilà. Alors, également, on va donner un petit proverbe pour terminer. Dans le sens aussi, c'est atteindre, mais c'est aussi blesser, quoi. Hein, puisque, par exemple, on va dire « tease don't be dans le linat, hein, ». J'ai été atteint par les orties, quoi. Donc, j'ai été blessé. Donc, il y a l'idée d'atteinte, mais bien sûr, la flèche qui atteint l'objectif, elle cause en même temps une blessure. Voilà. Alors, le petit proverbe, « Alice ve tease et val », Nebegus tum tease ou de réel, hein. Souvent est mal attrapé, est bien attrapé,

Thank you. deuxième partie d'émission, Petra Zone Vervro Eri. Petra Zone Vervro, Calzadra ou Veljus Boerve, je dis aux en Krogom de Dianton, Velkis à Custum, Gandalor Bourdouar à Gervu et Warmes. Et eux, ils ont vraiment, Pévelar en mode, bah, Kreis en disque à Ramser, à Tosta de Ram de Zegouan. Après, Gouelevé déjà, un dudo, commence, Jonge Alba Gouelio Fino Bla, ben, au mise en meuf, hein, bah, Bla, Deauville Pemzek. Mais de Zé, vous racontez, je crois, ce bien trop de Draven, bah, Bla, Deauville Pemzek. Pévelar en de Zola Bourdouar, Bebzun, bah, Brovrance, Vedeb, Trimillion de Beignir, digas de ze broyo estren. Hag zizira nantor de ze kidir ve debet ma brovrance. Hag pa de tjeis ve kaset kaz yir mes de ze vrance. Hag marado hag ninku gwal zur bropet. A ma trezen vo red change mot. Hag zevel yir am viden du de ma brovrance. Bron gwel vo pe sa mot vo kont. Me kaz guden ou zo ganzi. Wardash un économies, moi la retard de ce que Gualbelzo ou Abitzeret a être de blader stal de dolmen, ba gwengan. Mais velo chance, et bien hat kemer et der stals, a hat lance d'un trou, quand le nantor de zun dud ou au labourat, de war nugen war, per a d'ougen. Nantor de zun dud a spise au vide réel de hat kav ou de l'arbon. Bon, zis on drava, des vel juste, plusieurs stals, Dolmen ou apécrou de spen perrugen lasso. Wardache en or politique est vraiment, un hélé yarnin qui gualvar de vel juste, riau hugen de ze mis du, chon mauvais riau du, vidis tor breis, puis dur et bécole de, spi de hat cave ou de, un département de collet, ligueur atlantel, pézlar omni, bro naulet, mais bénéfine, maud zoel roise gander jacobinet, a c'est-tu, bon, ce que Tom Spie, Bétine, de Hatkav ou de Brunanglet, ma treize Norvège penait que mes pelles de son. A gueulard, avec quel pessamot, Brovrance, Jochom, quand le spirit Napoléon, a bon, Jacobine, Zomez, ou Arpétra, et vel, Magnbet d'Armad, Brouilla Révolution. Bon, vite, Bro Alsace, n'est que Biguel a rentré, puis dur Bro Alsace, au, ben, vraiment, ben, nos espèces bros aïeul, les dents, hip spirit nag, na identité, le zébite. Avec, bon, tien val, in trop, ville, n'alsacien, une belle vie de breton, net. Wardash, en or politique, reçoit, ze strola du débit, ne se grédiem, vote, ne vaisseau, ba préfaille, bronan, net, vel juste. Hag ur podiawang tribla warnugen, nil kawissin, zo bet hanve de vid display gant menoz yo anu debe, direg an dut, pez vi jegret de oulasso gant mon abras. Bon, dan mon tom war dachen zevena dur bremen. Ve genam zo re gant tandar de stud et de nan an, oa l'air ur vu e pin vidik, a kargemat, ji oaz ve jo ve valre de bu et dud pel roxé a hudu gontindar en tombe des heures plario en très grande là zo bevalre de bacrais in wankis riwan on cadoré zo han wa han of de mal grand calze dud a gwa or plar l'un de startige a g en part voir braise voir zevena dur a voir en braison nek a la bourra de ré et vite cusul en braison de voir à l'arbre in bande. A gevalre de bid, ba crazy yo wankis en homo de spontus, hein. A den trise gevis du, oa yo bid ou balan modes, a gaz oa kal ze dut. Glahar et direg, en planet en tien cri. Wardash en zevena du roas, mis, pitlar en dar vos grèdes blancs, bien blancs, mais vos grèdes, vide, doigen quish, vos grèdes, Gwell un dans spleen, ben dans nout. Hag, bon, spi meus vo muor dut vi neus ebet blam, a ma trezen vi o vo rat gred honkour vi de zon erien blam ben dans nout. Wardash en eus evena du roas ma sen peus kleve de nabar de neve gred gan war er kabe gan eus trolatud de zevro, bistro kreis breiz. Hag bon, zo tre, zo plus jad, plus justré de Shiloh, hein, plusieurs de Shiloh, hein, avec Gwell et Douar Scrum, mais de bon, une galag et une braison, hag, bon, trop d'idées, nous, hein. Bon, c'est tu là en dard, chilo et de mode bistro crise brise. Vigilance au verro et de un heure d'art ou radio. NDL, de Warnug, une vis du, puis la rime mante, ou à Felsnose, merde, bah, la rue, une vie de Vich Diouzan. Ag, as, zo bécal, zo dud, à plusieurs dures au bête. Ag, velar et, vel velar, colle meus vel, calzeriel meus, colle me varo. Venus lard, an bon thème. Bon, or studi, zo bid, imbande, gan, gan, non, bah, imbandadur, yo, ouest France, arrêt, ou à Hanoi, au tud, bah, département, Odo, en Arvor. Ag, gan, Jean-Louis, Boncarneau, et Bégret, là, pour ça. Ag, zo plus justré, puis j'en vais, comme, c'est 2000 ans, tut. Ag, dis, disque, doit, Hamon, non, une, vécave de muon, ben, département. Hamon. Me cette cause, ou, Catherine Hamon. Ag, bon, ou alerte Hervé, hein. Ag, Rousse, ag, Gal, ou alerte Thomas, Olir, Olivier, Ingalak, ag, Go. Bon, à calze réel, ou alerte, quoi. Bon, Hendel, Jean-Michel Guilcher, à Rennes, B de Candela, NDL, Jean-Michel Guilcher, ou à, zon din an eus labour e kalz war en goun an danz breiz, hag an eus pe, n'eo a skrivet ur pez lever oa l'er labour n'eo a gret, war en goun an danz breiz izel. Hag an eus bet kandla en DL, man chom bremañ ma meudon tal Paris, met an deur a bet prant de vreiz. Hag bon, setu ez deus ged, jon jemeus ba blavez yo hanter kand, vije hor tro vro pa de nan, en livré gag d'obu loin ag vige film d'un dude au temps sal a wine beba puru dans un film ou abé mesu de cause au temps sal bano jardin de zime jonge de nous mi wa trop d'égla de houls en moi quand zibra ouais on va très innové je peux n'être à l'in ouais le film je peux dire moi bah brest bon c'est tu même vrai longtemps trop à pessonner un bavro ag ben vigel volar à voix qui nous rit